Vous écoutez toujours Futur Simple sur les ondes de CKRL et nous poursuivons l'émission avec l'actualité scientifique. Donc François en fait va commencer par une recherche sur le sommeil, le bercement qui accélère l'endormissement. C'est un peu surprenant. Donc le bercement accélère l'endormissement mais aussi l'entrée dans une phase particulière du sommeil, le sommeil de type 2 qui dure alors plus longtemps. Donc pourquoi berce-t-on les bébés et pourquoi s'endort-on si facilement dans un hamac? Alors oui, Laurence Baillet et ses collègues de Genève, de Lausanne et de l'université Paris Descartes ont étudié l'activité cérébrale de personnes en train de s'endormir sur des couchettes bercées par un mécanisme imposant des oscillations au rythme de 1 à toutes les 2 secondes et demie. Alors, à la suite de cette expérience, elle a constaté que le bercement accélère l'endormissement, mais également qu'une phase particulière du sommeil, le sommeil de type 2, survient plus rapidement et dure plus longtemps. En quoi consiste le sommeil de type 2? Alors, c'est ça, parce que tout le monde le sait pas forcément. Effectivement. Alors, le sommeil de type 2 représente la moitié du temps de sommeil et correspond à une perte totale de conscience. Le bercement fait apparaître au cours de ce type de sommeil une oscillation lente de l'activité électrique du cerveau associée à des bouffées rapides d'activité nommées fuseaux qui protègent le dormeur contre les réveils. Et comment ça se produit? Alors, les oscillations du bercement sont captées par notre organe de l'équilibre, c'est-à-dire le système vestibulaire, dans l'oreille interne, puis transmise à un centre cérébral régulateur du sommeil, le thalamus. Or, le thalamus produit des ondes lentes caractéristiques du sommeil, dont la fréquence est voisine de celle du bercement. Alors, tout cela se fait en coopération avec le cortex cérébral, dont l'activité détermine le niveau de conscience. Donc, tout cela pour dire que le bercement imprime une oscillation mécanique au dormeur, qui est convertie en oscillation électrique de même fréquence par le thalamus et en fuseau anti-réveil du sommeil de type 2. Alors voilà qui donnera aux patients de quoi méditer pendant qu'ils berceront leur enfant. Oui, puis ça peut aussi donner à méditer aux fabricants de lits, peut-être, parce que si c'est bon pour les enfants, peut-être que c'est bon aussi pour les adultes. C'est un lit qui nous bercerait, ce serait peut-être qui nous aiderait à nous endormir. Ça pourrait être une idée. Oui. Du sommeil, on va passer à un sujet pas si éloigné, la fatigue. Pourquoi est-ce qu'on est fatigué et qu'on a envie de dormir et de rester au lit quand on est malade? Alors, selon une découverte réalisée par Aaron Grossberg et ses collègues de l'Université de l'Oregon, cet état serait attribuable à une molécule appelée orexine, qui est l'hormone qui gère l'appétit, l'éveil et l'envie de bouger. Alors ainsi, Lorsque quelqu'un souffre d'inflammation ou d'infection, l'orexine n'est plus assez libérée dans le cerveau. Conséquence, on perd l'appétit et l'entrain nécessaire pour se lever de son lit. Les chercheurs ont en effet constaté que des neurones de l'hypothalamus, qui utilisent l'orexine pour maintenir leur activité, devenaient inactifs lorsque la concentration d'orexine devient trop faible. Or, l'hypothalamus est, entre autres, un centre de régulateur de la faim et du sommeil. Alors ainsi, le manque d'orexine serait responsable à la fois de la perte d'appétit et de l'état de léthargie dans lequel on se trouve. Et qu'est-ce qui justifierait un tel mécanisme, en fait? Bon, en agissant ici, l'organisme économiserait ses forces pour lutter contre l'infection en évitant les dépenses d'énergie liées aux activités inutiles et en utilisant des calories provenant de réserves lipidiques du corps, plutôt que d'investir des efforts dans des mécanismes de digestion, par exemple. Alors enfin, pour valider leur découverte, les chercheurs ont injecté de l'orexine dans l'hypothalamus de rats malades et ont constaté qu'ils recommençaient à vaquer à leurs occupations. Bien entendu, ça ralentit leur convalescence. Toutefois, chez un être humain traité de façon efficace pour une infection bactérienne, par exemple, des traitements à base d'orexine permettraient de conserver l'entrain pendant que l'antibiotique fait son œuvre. Mais en attendant de tels traitements, rien ne vaut mieux que de rester couché, surtout en cas d'infection virale comme la grippe, contre laquelle on ne peut rien, et d'attendre la régression des symptômes. Donc, finalement, il n'y a pas à se sentir coupable de rester au lit quand on est malade. Et puis, il faut respecter ce que nous dit notre corps, tout simplement. Effectivement. Alors, on va poursuivre avec cette revue de l'actualité scientifique, avec quelques nouvelles de la recherche scientifique faite au Québec. Alors, en commençant par une nouvelle qui traite de l'évolution. L'évolution de l'homme est encore en cours. Oui, il y a quelques semaines, Christian nous a parlé de l'origine des oiseaux et nous racontait comment les reptiles ont évolué vers l'archéoptérix, puis vers les oiseaux que nous connaissons aujourd'hui. Mmh. Et on sait que, depuis Darwin, que le moteur de l'évolution, c'est la sélection naturelle. Donc, en gros, les plus aptes à survivre, mais aussi à se reproduire, vont perdurer. Alors, l'évolution des espèces, et on l'imagine, ça s'étale sur des générations et des générations, donc sur des milliers d'années. C'est vrai pour les oiseaux, puis c'est aussi vrai pour nous, humains. Et pour les humains, la situation est encore particulière parce qu'on estime que l'homme s'est un petit peu, en quelque sorte, affranchi des contraintes du milieu naturel, avec, en tout cas dans les pays occidentaux. Avec les nouvelles technologies, on ne vit plus dans la froidure. On se serait en quelque sorte affranchi des conditions naturelles et l'homme aurait cessé d'évoluer. Or, des chercheurs québécois de l'Université du Québec à Montréal et à l'Université de Sherbrooke ont étudié cette idée et ils viennent de publier leurs travaux dans la revue PNAS, Proceedings of the National Academy of Science, dans lesquels ils ont observé en fait que l'évolution chez les humains est toujours en marche. Et est-ce que ça veut dire qu'ils ont observé un phénomène de sélection naturelle en direct? Oui, exactement. Alors, ça s'est déroulé en un temps... En fait, ça c'est pas vraiment en direct, mais ils ont observé un phénomène qui s'est déroulé en un temps très court sur seulement quelques générations. Et comment ont-ils fait vers quoi, en fait, évoluons-nous, finalement? Alors, en fait, cette observation ne concerne pas toute l'humanité, mais une petite population seulement, celle de l'île aux Coudres au Québec, entre 1800 et 1940. Donc, brièvement, c'était avant le développement industriel. Et brièvement, ce qu'ils ont fait, en fait, ce qu'on sait, c'est que ce que les chercheurs estiment, c'est que la sélection naturelle tend à faire baisser l'âge auquel une femme a son premier enfant. Donc, ils ont voulu vérifier cette hypothèse. Mmh. Pour ça, ils sont allés dans les registres paroissiaux et ils ont eu beaucoup de données. Et ils ont observé qu'effectivement, l'âge du premier enfant a diminué de 26 à 22 ans. Donc, c'est quand même significatif. Et par des calculs statistiques, ils ont vérifié que cette diminution de l'âge n'était pas due à un contexte culturel. On se marie plus tôt. En tout cas, l'Église nous demande aux femmes de se marier plus tôt, de faire des enfants, etc. C'était pas lié à un contexte culturel, mais bien à une variation génétique. Donc, nous sommes toujours en évolution, même si en Occident, du moins, la technologie nous permet de nous soustraire de l'hiver et de la famine. Ouais, c'est un fait. Et je pense qu'on va s'arrêter là parce que c'est la fin de l'émission. Donc, on va passer au remerciement. C'est ça, directement au remerciement.